Mademoiselle, pardonnez l'indiscrétion de mon interrogatoire. Cette nuit, durant votre sommeil, avez-vous le souvenir de vous être blessé ? J'aperçois là, sur votre poitrine, le sillon d'une auréole meurtrie, dont le dessin m'évoque certains pigments d'une déplaisante morsure. Supportez que je relève du creux de la main le pesant de votre sein, afin de mieux considérer la profondeur des stigmates de votre plaie. À quel sibyllin dessin nocturne vous vous élanciez éperdument pour ainsi ceindre non sans cruauté l'enceinte de votre pied. Il est entendu que vous disposez de mon absolue retenue. D'ici une huitaine de traces, il n'y paraîtra plus. Si par malchance, votre entourage vous causa quelques embarras, considérez-moi, je vous en prie, comme l'alternative de votre désarroi. Diverti. Une quelconque enflure sur mon buste, il n'existe à point. Un doigt de salive suffit d'ailleurs à effacer les contours du tourment. Pour votre enseignement, vous profiterez ainsi, je l'espère, d'un soupçon de malice. Bien que j'avoue apprécier, mademoiselle, votre naturel cocasse, vous m'avez, sans le moindre scrupule, roulé dans la farce. Aussi, si je peux me permettre de vous empoigner docilement, je vous assignerai partout dans votre chair 1000 signatures de canines pointues. Essayez donc seulement de vous emparer de moi. J'y cours.